Tu es allé jusqu'à dans le pays étranger. Allons-y à la À la base. base. Comment tu as commencé? Comment tu es entré dans ce domaine, dans cette ville? D'accord. Au départ de mon aventure, je suis né au Cameroun. Oui. Et j'ai vécu dans une famille, je peux dire, pas trop pauvre, pas trop riche, qui se Oui. suffisait. Oui. Puisque j'ai fait le collège de La Salle pendant la première, Collège de la deuxième, salle ici oui, à quoi à après. Douala. Et entre-temps, le collège de La Salle était même l'un des collèges les Le plus meilleurs aisé. réputés, même de la zone du Cameroun en général même. Oui. Et la pension vraiment coûtait tellement cher même, parce que je voyais comment les parents se sacrifiaient Pour que tu y pour nous mettre. fréquentes. Et nous étions deux, moi et mon jeune frère. Oui. Et entre-temps, c'est comme ça que la délinquance a commencé lorsque j'ai échoué mon CAP d'abord, pour Oui. la première année. Après, comme il n'y avait plus tellement d'argent pour nous inscrire à deux collèges de La Salle, on m'a plutôt inscrit dans un collège privé, IST, Oui. Institut Secondaire Technologie. Oui. C'est là-bas que j'ai. Bon, je n'ai pas repris la classe de quatrième année, je suis plutôt allé en seconde. Oui. Et en Sans seconde, ton cap, sans sans le cap, CAP, sans aussi un CAP, CAP. oui. Et je crois bien que c'est en seconde que j'ai eu le CAP. Oui. Je suis resté maintenant là-bas pour la première. Et en première, j'ai échoué le probatoire. J'ai échoué encore la deuxième fois. C'est comme ça que la délinquance au Geneviève a commencé. Quand on m'a remis l'argent de la pension pour aller m'inscrire, j'ai pris l'argent de la pension. Je suis plutôt allé acheter un salon de coiffure. Oui. Après le salon de coiffure, j'ai aussi créé une bouquinerie. Là, Oui. on vend les bouquins. Les bouquins, les Oui, les romans, comme romans, les romans que les femmes aiment les lire, les hommes, sas, les sas, les rodéos, tous ces romans-là. oui. Et c'est par là maintenant que je suis vraiment entré dans le cœur de la délinquance, Oui. puisque je me trouvais déjà en train de faire l'autodéfense dans la nuit, Oui. comme j'étais toujours avec des voyous. Là, nous sommes en quelle année? Et parce que nous sommes en 2017 maintenant, nous sommes en quelle année? Aux environs de quelle année? Je crois que ça fait aujourd'hui quand même plus de. Parce que j'ai fait 15 ans en aventure, Oui. quand j'ai bien un peu calculé 15 ans. Et Ça fait donc, oui. presque 20 ans aujourd'hui comme Donc, ça. dans les années 19, 2000. 19 ans, 20 ans aujourd'hui. Oui, donc dans les années 1999-2000. Effectivement, c'est ça. Oui, c'est ça même, c'est ça même, c'est Voilà. ça. Parce que je sors du Cameroun lorsque le coup d'État en Côte d'Ivoire vient même juste même de déclencher. Comme déclencher. Oui, parce que les troubles, Vous trouvez là-bas. oui, ça me trouve quand je suis à Abidjan, en Côte Abidjan. d'Ivoire, oui, les Ouais. troubles Donc d'Abidjan. on va raconter ces phases-là, comment tu as survécu, comment tu t'en es sorti en tant qu'étranger. Donc tu te trouves donc au cœur de la vente des livres où il y a le film, et puis et là aussi tu fais l'autodéfense. Et les autodéfenses, c'est les groupes qui suivaient dans les quartiers dans les nuits. C'est-à-dire que Éveillé dans les dans carrefours, les carrefours, dans la oui, nuit, comme dans il n'y la a pas la nuit, sécurité, c'est ça. les jeunes s'organisent Oui, pour pour eux-mêmes être les chefs des gangs dans le dans le quartier. quartier, pour en soi des gens protéger le Pour protéger. quartier. Alors qu'enfin, toi, des fois, vous-même, vous volez. Nous-mêmes aussi, souvent, on indiquait même des maisons là Vous où c'est un peu volez. nanti, Oui. pour que si ça se passe bien, Ils viennent vous ils passent au partager. partage. Donc, ça veut dire qu'en fait, explique-nous. C'est-à-dire les groupes d'autodéfense qui se trouvent au quartier, dans les entrées, parce que quand vous entrez dans un quartier, vous trouvez des groupes de gars qui ont mis des barrages, Des érigé des barrières, barrages, des barrières. Ils vous disent, oh grand, mon grand, donne-moi Voilà. quelque chose, vous le donnez. Si vous avez de l'argent, c'est eux, vous-même, qui indiquez aux Au bandits bandit que telle personne a de voit telle l'argent. personne de Quand l'argent. ils partent réussir leurs cours, Voilà. ou vient vous partager. Mais Effectivement. même quand la police vient, on dit que vous n'avez vu personne passer. Oui, puisque la police nous connaissait. Oui. On travaille à la police. Quand si c'est qu'on se rend compte que tu es un peu dur, Oui. on te fait asseoir. Oui. Et la patrouille de 4h30 ou bien une patrouille qui passe à n'importe Vous quelle heure, les livrez. on te prend, on te met dans la voiture de la police pour qu'on t'amène. Donc en même temps, vous êtes l'intermédiaire entre les bandits et les Et la policiers. Et vous jouez en policier. même temps un temps le rôle de police, un temps le rôle de Il va bandit. dire, effectivement. Et vous avez bien dit que le témoignage va beaucoup nous édifier. Donc désormais, il faut qu'on fasse attention avec nos gars qui sont au quartier. Pour les autodéfenses, Les là, autodéfenses. c'est ça. Continuons. Bon, c'est comme ça qu'après, au fur et à mesure que je grandissais dans la délinquance, et il y avait certains grands frères de l'époque, qu'on peut dire, qui partaient beaucoup plus tôt à Jakarta, là-bas, en Jakarta, Indonésie. en En Indonésie, oui, Indonésie, oui. oui, en Asie, En Asie. oui. Bon, quand ils revenaient, Oui. je peux dire, ils nous frimaient. C'est-à-dire, on les enviait Oui. avec leur manière de dépenser, leur De manière de l'argent. vivre, leur manière de monter, Vous descendre. étonnez. Ils nous étonnaient, voilà, ils nous étonnaient. Et on les portait déjà dans le cœur comme pour idole. Oui. Bon, on voulait les ressembler. Ils étaient devenus vos modèles. Nos modèles, voilà, c'est ça. Bon, on disait maintenant que je veux être comme, Comme je tel. veux être comme lui, parce que la manière comme ils vivaient, Il et faut que moi puis, aussi j'ai de l'argent. Il vient me frimer au quartier c'est comme ça ça. même, c'est ça, c'est ça.